Georges Feydeau, Notre futur, lu par Charlotte et Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Scène première. Un grand salon très richement meublé, au fond une cheminée avec des candélabres allumés, porte latérale, porte à droite et à gauche, une table, des fauteuils, un divan, etc. Sur la table des journaux. Harriet, en costume de bal et couverte de diamants, entre par l'une des portes du fond et parle à quelqu'un qu'on n'aperçoit pas. « Ainsi, vous avez bien compris. Des bougies partout, des lumières, beaucoup de lumières, afin que tout soit pour le mieux. » Elle entre. « Oh oui, beaucoup de lumières, je les adore, moi. C'est étonnant comme cela sied à mon visage. » Devant la glace. « Eh bien, mais savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante? Ce costume vous va à ravir. Et je me trompe fort, ou bien vous allez faire encore quelques nouvelles conquêtes. Toutes ces dames vont être furieuses, c'est si jaloux les femmes. Quant à ces messieurs, par exemple, eh bien là, franchement, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15. Allons, j'ai encore une heure devant moi, une grande heure d'ennui. C'est effrayant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens inquiète, agitée. Ah, dame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et qu'on est la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Mon Dieu, je ne lui reproche pas, le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute. Mais c'est égal, franchement, il était un peu trop... comment dirais-je, un peu trop... économe. Oh, mais avec monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui. Il est du midi, lui. Et quand on est du midi, Dieu sait. Enfin, cela n'est pas à craindre. Pourvu qu'il vienne seulement, c'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il m'a donné signe de vie. Bah, je l'ai invité, il viendra. D'ailleurs, il m'aime. Il a l'intention de m'épouser, j'en suis sûre. Il profitera de cette soirée pour... Et déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan à vannes, s'il s'est mis à genoux, c'était, bien sûr, pour me faire sa demande. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait, et si l'on ne nous avait interrompu... Tiens, l'on a sonné. 9h20. Qui peut venir si tôt? Scène 2. Thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Valentine. Moi-même, cousine. Bonjour. Comme tu arrives de bonne heure. Sans reproche. Enfant, va. C'est que, vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal, parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Ah, mon Dieu. Oh, très sérieuses. Tu comprends, il est des choses que je n'oserais dire à maman et que je puis te dire à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu, que tu es belle ce soir! Ah, le « ce soir » est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir. Là. Tu trouves? Mais c'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi, avec ma robe blanche toute simple. Toi? Tu es 100 fois charmante comme cela. Et des diamants! En as-tu assez? Oh, c'est moi qui aimerais ça, des diamants! Tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve... Dieu, que cela doit être agréable d'être veuve! Eh bien, c'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est ennuyeux, je ne fais que cela. Ou bien je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Gamine, va. Mais aussi, je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, à ton dernier bal, monsieur de Mercourt est venu à moi et m'a dit comme ça. Ah, oh, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Eh bien, tu sais ce que je lui ai répondu? Non. Et vous aussi, monsieur. Tu vois l'effet d'ici. Alors il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Pauvre enfant, voilà ce que c'est que l'innocence. Ah oui, l'innocence. Voilà une vertu que j'admire beaucoup chez les autres. Que je voudrais en savoir autant que toi, mon Dieu. Valentine. Encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, il faut absolument que tu me dises... Ah, pardon, mais d'abord, de quoi s'agit-il? C'est que... C'est très difficile à expliquer. Il s'agit de... D'un... Tu rougis, tu baisses les yeux. Je comprends, c'est un jeune homme. Hein? Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Va, chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Je le savais bien. Et il se nomme... Oh, ça, je te le dirai plus tard. Du mystère, c'est parfait. Est-il bien au moins? Lui? Oh, très bien. Très bien. Tu me le montreras? Tu le verras ce soir. Et tu me diras alors si j'ai bon goût? Tiens, vraiment, tu m'amuses. Et... Il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bah, ce n'est pas une preuve. Oh, mais pour lui, c'est sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui et, sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmenée dans le petit salon. Tu sais, le petit salon. Oui, oui. Il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors, il m'a fait asseoir sur ton divan à vannes. Sur mon divan à vannes? Oui, cela t'étonne. Moi, non, du tout. Oh, ces hommes, tous les mêmes. Apporte-moi mes laines. Et puis, lorsque j'étais assise, monsieur de... Monsieur de... Ce monsieur-là, enfin, m'a pris les deux mains et s'est mis à genoux devant moi, comme cela, tiens. Oh, c'est étonnant comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. Ce n'est pas précisément l'opinion de messieurs nos maris. Enfin, continue. Eh bien donc, il s'est mis à genoux devant moi et avec une voix tendre, il m'a dit des choses... Oh, mais des choses! Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal. Je t'assure que j'étais très embarrassée. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de répondre oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui, malheureuse enfant! Est-ce que j'ai eu tort? Avec les hommes, c'est si dangereux. Mais je ne savais que répondre, moi. Si tu l'avais entendu. Oh, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Oui? Oh, Valentine! Il m'a appelée Valentine! Oh, Valentine! Réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ses flammes. Et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Enfin, vous êtes ma reine, mon ange, Valentine. Voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu? Oui. Dame, j'étais si troublée, je ne savais que dire. Les hommes sont si entreprenants. Oh oui. Oh oui, ah ça, comment le sais-tu? Mes cousines. Oh, il n'y a pas de mes cousines, et je vois bien que tu me caches quelque chose. Mais je ne te tiens pas quitte comme cela, entends-tu bien? Tu vas m'expliquer. Eh bien oui, là, j'aime mieux tout te dire. Ah maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurai plus de courage. Oh, ma chère Henriette. Si tu savais ce qu'il a fait. Ah, mon Dieu, c'est donc bien grave. Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Est-il possible? Oh, pauvre enfant, pauvre enfant. Il m'a embrassée. Ah, tu m'avais fait peur. Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Mon Dieu, si j'étais ton confesseur, je te dirais, c'est très grave. Mais moi, ma pauvre enfant, je n'ai pas le courage de t'en blâmer. Je connais trop bien les hommes. Est-il possible? Si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Alors, cousine, tu ne m'en veux pas? Moi, chère petite, oh, pas du tout. Mon pauvre général me disait souvent, l'amour est la meilleure des excuses. Et j'étais bien de son avis. Mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra... Garde-t'en bien. Les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Mais alors, comment faire? S'il me demande de danser avec lui, je ne puis pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Oh, je vois ce que tu veux. Voyons, fillette, alors, tu l'aimes? Mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je comprends. Ça veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Eh bien donc, c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai? Oh, ma chère Henriette! Hein, comme il y a des moments où l'on vous aime. À ça, tu serais donc bien heureuse de te marier, toi? Me marier, cousine? Mais c'est ce que je rêve! Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux, toi. Je t'en fais mes compliments. Mais cousine! Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il t'a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins serait-il bon pour cela que je connusse le nom de ton prétendu. C'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Oui. Qu'y a-t-il là qui t'étonne? Non, c'est impossible. Comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Oh, je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit... Bah, tu crois ces choses-là, toi? Et pourquoi ne m'aimerait-il pas, après tout? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là! Eh bien, et moi aussi, là. Il doit t'épouser? Oui. Il a demandé ta main. Oh, c'est tout comme, il va me la demander ce soir. Ah! Mais moi, c'est déjà fait, voilà la différence. Bah, qu'est-ce que cela prouve? Pour ces messieurs, le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Mais... Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. Comment? Mais c'est un jeune homme! Lui, un jeune homme, il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune. Voilà tout. Va, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Enfin, que veux-tu? Cela me regarde, et comme tu m'as promis de demander à maman... Moi, demander à ta mère? Ah non, par exemple, je ne veux pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. Mon malheur? Mais dame, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment cela? Puisqu'il me fait aussi la cour à moi. Mais... Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes? Oh! Et cet homme-là serait un mari fidèle? Allons donc. Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... D'abord, il n'est pas question de moi en ce moment. Et puis, je te dirais que ce n'est pas du tout la même chose. Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une petite fille. Mais... Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne l'aimes pas. Mais non, si tu veux l'épouser, c'est par caprice, pour aller au palais royal. Mais quand je te dis... Ah bah, tout cela, ce sont des amours de petite fille, un feu de paille. Cela brûle, mais ne dure pas. Va, cher enfant, je sais très bien comment on est à cet âge. Aperçoit-on un jeune homme, aussitôt l'on en devient folle. S'avise-t-il de vous faire un complément, le moindre brin de cour? Ah, alors c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu que l'on ait lu des romans, l'on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Oui, voilà comme vous êtes à votre âge. Des amourettes, voilà tout. Mais un amour sérieux... Allons donc. Non, non, non, mille fois non. Tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai réfléchi. Bien rapidement alors. Car ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... Que veux-tu dire ? Eh, je veux dire que je sais bien pourquoi tu parles de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais. De l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise ? Épouse-le. Tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant. Trop charmant, même. Surtout avec les autres. C'est ça. Moque-toi de moi, à présent. Tiens, vrai. Tu n'es pas gentille. Voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Ah, tu veux bouder. À ton aise. Seulement, quand tu auras fini, tu auras la bonté de me le dire. Ah, mon Dieu, que vois-je ? Monsieur de Néris. Monsieur de Néris ? Qu'y a-t-il ? Le perfide, il se marie. Il se marie ? Tiens, lis plutôt. On annonce le mariage de Monsieur Raoul de Néris avec Mademoiselle de Steinfeld. Cette toute charmante personne... Toute charmante, est-il possible ? Elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur de Néris, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître ! Qui aurait jamais pu s'attendre à cela, mon Dieu ? Oh, les hommes ! Les voilà bien. Et il me disait qu'il m'aimait. Non, tenez, ils ne valent pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser ? Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise ? Ah non, par exemple. Hélas, cousine. Ah oui, tu pousses des soupirs à présent, tu me dis « hélas, cousine ». Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, lorsque je te disais que tu faisais une sottise, tu te fâchais et tu m'en voulais, j'en suis sûre, de prendre ainsi ton intérêt contre moi-même. Eh bien, tu reconnais à présent combien j'avais raison. Mais non, tu ne voulais rien entendre. Et si je t'avais écouté, j'aurais été demandé à ta mère. Et j'aurais, moi, participé à ton malheur futur. Ah tiens, Valentine, tu ne mérites pas qu'on te plaigne. Henriette, tu me fais de la peine. Cela t'apprendra à m'écouter à l'avenir. Hélas, cousine, comment pouvais-je savoir ? C'est vrai. Le perfide, moi aussi je m'y étais laissé prendre. Oh, mais va, maintenant je ne le regrette pas. Oh, ni moi non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas, il me semble que cela me fait quelque chose. Que vois-je ? Tu pleures. Moi ? Non, cousine. Enfant, à quoi bon me cacher tes larmes ? Va, tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas pour celui qui les verse, mais pour celui qui les fait couler. N'importe, cousine, je ne pleurerai pas. Ces larmes, il ne les mérite pas. Hélas, ma pauvre chérie, tu n'as pas été heureuse pour ton premier amour. Mais qu'une chose te console. Dis-toi bien que tu aurais pu être plus malheureuse en devenant sa femme. C'est vrai, cousine. Aussi, je ne veux plus penser à lui et je l'oublierai, je te le promets. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Oh, cela garde tant bien, ma pauvre enfant. Tu l'adorerais. Moi ? L'adorer ? Mais... Oh, toi, tout comme une autre, va. Nous sommes toutes les mêmes, nous autres femmes. Ainsi, ne cherche pas à le haïr. N'essaye même pas de le juger. Car si ta douleur le condamnait, ton amour trouverait encore une excuse pour le justifier. Oublie-le, voilà tout. Et quand l'oubli sera peu à peu entré dans ton cœur... Quand l'amour ne sera plus là pour excuser cet homme, tu verras comme tu le mépriseras et comme tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu cherches à me consoler, tu ne veux pas que je pleure. Mais vraiment non, je ne veux pas que tu pleures. Et que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux que tu sois gaie, au contraire, que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses enfin. Allons, Fillette, embrasse-moi. Et maintenant, mademoiselle de Steinfeld, vous pouvez épouser notre futur.